بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم معنا الدرس الثاني والثلاثون في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Aujourd'hui, on entame le 32e cours dans l'explication de Usul al-Iman, les fondements de la foi, de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. L'auteur qui nous dit, rahmatullahi alayh, wa an Abi Imran al-Jawni, annahu balagahu, anna Jibra'il ata an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yabki. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, selon Abi Imran al-Jawni, qu'il lui a été parvenu que Jibra'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'as-tu à pleurer? Alors il a répondu, Jibril alayhi salam, qu'est-ce qui m'empêcherait de pleurer? Par Allah, mes yeux n'ont pas séché depuis que Allah a créé le feu, de peur que je lui désobéisse et qu'il ne me jette dans celui-ci. Rapporté par l'imam Ahmed dans son livre Az-Zuhd. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف فإن أبا عمران الجوني من التابعين فالحديث مرسل. Le hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, est un hadith qui est faible. Car Abu Imran, donc celui qui a été cité, celui qui nous rapporte le hadith, Abu Imran est un tabi'i, c'est-à-dire la génération après les compagnons. Il n'a donc pas rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est mursal. Et ce type de hadith, comme on l'a déjà vu précédemment, fait partie des hadiths qui sont faibles. ثم قال المؤلف رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, est dans le recueil d'Al-Bukhari, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jibril, ne viens-tu pas nous visiter plus souvent? Ne viens-tu pas nous visiter plus souvent? Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Et nous ne descendons que par l'ordre de ton Seigneur. À lui appartient ce qu'il y a devant nous et ce qu'il y a derrière nous. On ne fait rien sans l'ordre de ton Seigneur. On ne fait rien du tout sans son ordre, tabaraka wa ta'ala. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل الإكثار من الزيارة وذلك لأنه يحبه. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril de le visiter plus souvent. Et cela parce que il l'aime. Il l'aime. L'homme, il veut que l'individu le visite plus souvent parce qu'il l'aime. وذكرت العلماء كذلك الحث على طلب العلم. Les savants, ils ont cité aussi qu'il y a dans cela le fait d'inciter à apprendre. لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. Car Jibril, il venait voir le prophète صلى الله عليه وسلم lui enseigner. وكذلك ذكرت العلماء أنه يستفاد من هذا الحديث الحث على محبة الصالحين عباد الله الصالحين والجلوس لهم. Les savants ils disent qu'on tire de ce hadith le fait d'aimer, de nous inciter à aimer les gens pieux et le fait de s'asseoir, de rester avec eux. Il y a plein de textes dans la législation qui nous montrent les bienfaits, le fait de fréquenter les pieux. وفي هذا الحديث أن الملائكة تحت أمر الله تبارك وتعالى لا ينزلون إلا به. Il y a dans ce hadith le fait que les anges dépendent de l'ordre d'Allah تبارك وتعالى. Les anges ne descendent pas sans l'ordre d'Allah تبارك وتعالى. وهنا مسألة أحب ذكرها وهي محبة الجلوس مع أهل الخير. Il y a un sujet que j'aimerais citer, les frères, c'est le fait d'aimer s'asseoir et fréquenter les gens du bien. فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Les croyants, ils s'aiment mutuellement. وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Les gens de la sunna s'aiment mutuellement. لَكِنَ النَّاسِ بِضَعْفِهِمْ تَرَكُ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُوا بَيْنَهُمْ. Les gens, à cause de leur faiblesse, ils ont laissé Shaitan, ils ont laissé le diable rentrer en eux, entre eux et mettre la division. Ils ont laissé le diable rentrer entre eux et mettre la division. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha » et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, espérant sa face tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu fasses preuve de patience pour rester avec les gens. Pourquoi? Parce qu'ils font des erreurs. Il y en a parfois, c'est difficile. C'est difficile. Il faut faire preuve de patience. Personne n'est parfait. Tu penses que tu es parfait? Personne n'est parfait. À chaque fois qu'il y a un frère qui fait quelque chose, ah, ça y est, il ne parle plus. Fini. C'est fini. وأعجب من ذلك أن تجد السلفي يكره الجلوس مع إخوانه الذين هم معه على الإيمان الإيمان بالله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع الفساق أهل المعاصي. Plus surprenant que cela encore, que tu trouves un individu salafi qui déteste fréquenter ses frères qui ont la même foi que lui, le même suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, je ne m'assieds pas avec eux. Par contre, il va s'asseoir avec les pécheurs. Al-Fussaq. Il va s'asseoir avec les pécheurs. Avec ses frères salafi, aucune excuse. Ah non, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, lui ci, lui ça. Un tel, un tel. Tu dis, Wahi, et tous tes amis avec qui tu traînes maintenant là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais eux, Inch'Allah, Inch'Allah, ça va venir. Subhanallah, ajib. Wallah, ajib, les frères. On a laissé Shaitan rentrer entre nous dans les rangs, et on laisse après Shaitan nous amener avec les buveurs d'alcool et autres. C'est impressionnant, il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on se corrige. فإذا رأيت في نفسك هذا الوصف فأسرع وعجل إلى معالجة نفسك. Et donc si tu vois ce caractère chez toi, alors précipite-toi, fais vite à te corriger. Allah تبارك وتعالى qui nous dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. tu ne trouves pas des gens croire en Allah et au jour dernier, aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs parents ou leurs frères ou leurs enfants ou leurs frères ou alors leurs proches de façon générale. Allah tabaraka wa ta'ala a inscrit dans leur cœur la foi et il les a appuyés par ar-ruh bi ruhin minhu. Ça veut dire quoi ar-ruh? Mashallah, je me rappelle, on avait fait un cours dessus lors des répliques sur les chrétiens. Il y a eu un problème lors des répliques sur les chrétiens. Vous savez c'est quoi? Un gros problème. Lorsqu'on a commencé, on a dit on n'enregistre pas. Ça, on a dit pas d'enregistrement. Lorsqu'on a commencé les cours, on a dit pas d'enregistrement. Tous les frères, ils venaient, mashallah, avec le cahier, faut noter, parce que là, il n'y a pas d'enregistrement. Mashallah, il y a plein de feuilles dans tous les sens, il faut noter, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Il y en a un, il m'a dit, yahi, je travaille et tout, j'aimerais bien pouvoir. On a dit, Malish, allez, on va mettre des enregistrements, c'est parti. Lorsqu'on a commencé les enregistrements, subhanallah, les mains derrière le dos, carrément, comme si on est menotté pendant le cours. Plus de notes, c'est fini. C'est fini les notes. Et donc, ar-ruh, les frères, sujet très important. Ar-ruh, les chrétiens, on a un didel avec eux sur ce sujet. On a un débat, un gros débat avec eux. Ar-ruh, barakallahu fikum. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a assistés avec ruhin venant de lui. Est-ce que ça veut dire avec Jibril? Hein? Est-ce que ça veut dire avec une âme? On avait dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait cité donc dans son livre Al-Jawab al-Sahih, Liman baddal ad-din al-Masih, il avait cité les adilla, les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que ce qui est voulu par Ruh, kulluma arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala li nasri wa ta'yidi ibadihi salihin. Tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie pour aider et assister ses serviteurs pieux, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Tout ce que Allah, il envoie. Ça peut être la révélation, le Coran, la Sunna, la guidée. Ça peut être le vent, ça peut être les anges. Tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie pour assister les prophètes et les pieux de façon générale, ça s'appelle Ruh. Tayyib. On continue. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Wa min sadatihim Mika'il alayhi salam wa huwa al-muwakkalu bil-qatari wal-nabat. » Et ensuite, il y a parmi leurs leaders, donc parmi les leaders des anges, il y a Mika'il alayhi salam et c'est lui qui a été chargé, c'est lui dont la responsabilité de la pluie et des plantes lui a été confié. فشرع المؤلف رحمه الله هنا في الكلام على ميكائيل. Et donc l'auteur ici maintenant il commence à parler de Mika'il. Il a d'abord parlé de Jibril et maintenant il parle de Mika'il. وهو كذلك من افضل الملائكه. Et donc Mika'il fait aussi partie des meilleurs anges. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة إذا قام من الليل. عائشة رضي الله عنها elle nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم il commençait la prière lorsqu'il invoquait pendant la nuit, lorsqu'il priait, il faisait prière al-layl pendant la nuit, il commençait la prière en faisant l'invocation suivante: Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wash-shahada, tahkumu bayna 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnik, tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ô Seigneur, le Seigneur de Jibril, de Mika'il et de Israfil, le créateur des cieux et de la terre, celui qui connais ce qui est apparent et caché. Tu juges d'entre tes serviteurs, dont de ce sur quoi ils ont divergé. Guide-moi sur les sujets dont les gens ont divergé. Guide-moi vers la vérité par ta volonté. Tu guides qui tu veux parmi tes serviteurs vers une voie de rectitude. Ici, on a le terme Fatir, as-samawati wal-ard. Avant d'arriver à ce terme, on a donc ici les savants, ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam khassa ha'ula'il malaika al-thalath li fadlihim ala ghayrihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation, il a cité de façon spécifique ces trois anges-là, il n'a pas cité les autres. Pourquoi? Il n'a pas dit Rabbul Malaika, il n'a pas dit le Seigneur des anges, il a cité ces trois-là. Pourquoi? Parce que ceux-là ont plus de mérite. Ils ont plus de mérite. Pourquoi? On le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours. Fatirus samawati wal ard. On va voir aussi après, Inch'Allah. On va attendre un petit peu. Pourquoi? Parce que ici, il y a une leçon importante. Il y a une leçon importante qu'a cité Al-Hafidh Al-Nawawi dans son explication de Sahih Muslim. Il nous dit « وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ô Seigneur, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et de Israfil, le Créateur des cieux et de la terre. » Cette parole, concernant cette parole, il nous dit « الحافظ النووي قال العلماء خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة ونظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر فيقال له سبحانه وتعالى رب السماوات ورب السماوات والأرض رب العرش الكريم رب الملائكة والروح رب المشرقين ورب المغربين رب الناس مالك الناس إله الناس رب العالمين رب كل شيء رب النبيين خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة عظيم القدرة والملك ولم يستعمل ذلك فيما يستحقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق الكردة وخالق الخنازير وشبه ذلك على الأفراد وإنما يقال خالق المخلوقات خالق كل شيء فَحِينَ إِذِنْ تَدْخُلُ هَذِهِ فِي الْعُمُومِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et donc il nous dit, le Hafiz al-Nawawi rahimahullah, les savants ils disent que Allah tabaraka wa ta'ala, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité de façon spécifique ces trois anges-là, même si Allah en réalité, il est le seigneur de toutes les créatures. Allah il est le seigneur de toutes les créatures, pas que de Jibril, Mikaïl, Israfil. Comme cela a été donc affirmé dans le Coran et la Sunna, et donc parmi les nombreux exemples qu'il y a où l'annexion est citée avec l'annexion, ce qui veut dire donc une annexion avec Allah tabaraka wa ta'ala, qui est citée avec tout ce qui a un haut rang et qui est important, mais on ne le fait pas avec tout ce qui est méprisable et rabaissé. On ne le fait pas avec tout ce qui est méprisable et rabaissé. Et donc on va montrer que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le donc Seigneur de la Kaaba. C'est le Seigneur des mondes. C'est celui qui a créé les hommes. Celui qui a créé donc toutes les créatures, etc., etc. Et donc tout ce qui a un rang important, on peut l'annexer à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce qui est rabaissé et ce qui est méprisable, on ne peut pas l'annexer à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Al-Hafiz al-Nawawi, il donne des exemples et il dit, alors on va dire, concernant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du noble trône, le Seigneur des anges et le Seigneur de Ar-Ruh. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu par Ruh? Jibril. Ici, là, c'est Jibril. Et donc, le Seigneur de Jibril, le Seigneur des deux couchants et des deux levants, le Seigneur des hommes, le Maître des gens, le Maître des hommes, la divinité des hommes, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de toutes choses, le Seigneur des prophètes, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur des cieux et de la terre. J'ai répété la traduction deux fois. Mais en arabe, c'est marqué Khaliqu as-samawati wal ard et Fatiru as-samawati wal ard. Deux mots différents. En français, on va voir la même traduction. Quelle est la différence entre les deux? Fatir. Sans inspiration d'autre chose. Al-Fatir, il y a une ishara, il a le terme, donc Al-Fatir, cela donc, fait allusion à donc, le fait de créer ce qui n'était pas présent auparavant. La première création. La première création. Comme donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le Coran, فَسَيَكُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. Ils diront, qui va nous ramener à la vie? قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً. Dit, celui qui vous a créé la première fois. Et, donc, et ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a utilisé le terme fatara. Et donc, le terme fatara, ce qui est voulu par là, c'est le fait de créer la première fois ce qui n'existait pas avant. Le terme khalaqa, créer, ça peut, on peut comprendre par là ce, donc le fait de transformer quelque chose qui existait, mais de le transformer, comme avec Isa, alayhi salam. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Et je crée pour vous, donc, à partir de l'argile, comme une forme d'oiseau. Il a utilisé le terme ici, khalaqa, parce que c'est possible avec le verbe khalaqa. Par contre, avec fatara, non, ça ne marche pas. Et donc, il y a cette nuance-là entre les deux. Les savants, ils nous disent, donc, le terme fatara, cela montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que Allah tabaraka wa ta'ala, il crée, donc, ce qui n'existait pas encore. Le terme khalaqa montre la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée avec prédestination. Le destin, c'est la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc voilà par rapport à la différence entre les deux. Et on finit donc cette parole de l'Hafid al-Nawawi, rahimahullah. Et ensuite donc, il continue en disant, Ja'ilul malaikati rusulan, celui qui fait des anges des messagers, et tout ce qui va dans ce sens-là, tout ce qui va dans ce sens-là sont des caractéristiques pour Allah tabaraka wa ta'ala montrant sa gloire et son énorme puissance et sa royauté. Et cela n'est pas utilisé, donc l'annexion n'est pas utilisée concernant tout ce qui est méprisable et rabaissé. Alors on ne dit pas le seigneur des insectes, le créateur des singes, le créateur des porcs, et tout ce qui va dans ce sens, en les citant eux de façon spécifique. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont rabaissées. Mais par contre, on va dire le créateur de toutes les créatures, et le créateur de toutes choses. Et à ce moment-là, ces choses-là, le porc, etc., tout cela va rentrer dans la généralité. Mais par contre, tu ne dis pas « Oh Allah, Seigneur du porc, oh Allah, Seigneur de l'alcool ». Non, tu ne dis pas ça. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en citant ce qui est de la valeur et un haut rang. Mais tu ne dis pas, tu ne vas pas citer ce qui est méprisé et rabaissé. Donc voilà par rapport à ce passage que j'ai jugé important de Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah. Et pour finir, donc dernier sujet qu'on cite aujourd'hui, l'auteur qui nous dit rahimahullah, وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. Et l'imam Ahmed, il cite selon Anas radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, comment se fait-il que je n'ai pas vu Mikaïl rigoler une seule fois? Comment se fait-il que je n'ai pas vu Mikaïl rigoler une seule fois? Fekala ma dhahika Mikaïl munzu khuliqatin nar. Et donc Jibril l'a répondu en disant que Mikaïl n'a pas rigolé depuis que le feu a été créé. فبعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الملائكة مع كنوتهم لربهم وطاعتهم له يخافون من العذاب ولا يأمنون. Et donc, certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que les anges, malgré le fait qu'ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala en permanence, ils ne désobéissent pas à Allah. Malgré cela, ils ont peur du châtiment. Et ils ont peur de tomber dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne se sentent pas apaisés du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne se sentent pas en sécurité du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lakinna hadha al-hadith fi isnadihi Humayd ibn Ubayd wa huwa majhoul. Cependant, dans ce hadith, il y a un rapporteur, Humayd ibn Ubayd, et il est majhoul, il est inconnu. Il est inconnu, et comme on sait, on ne prend pas la science des inconnus. وكذلك في الإسناد إسماعيل بن عياش وهو شامي وهنا روى عن غير الشاميين وقد ذكرت العلماء أن إسماعيل بن عياش روايته مقبولة إن أو إذا روى عن أهل بلده أما إن روى عن غيرهم فهو مختلط. Et aussi il y a dans la chaîne de transmission Ismaïl ibn Ayyash. Et donc cet homme, Ismaïl ibn Ayyash, il vient du Shem. Et ici, dans ce hadith, il a rapporté le hadith de personnes qui ne viennent pas du Shem. Et les savants, ils ont cité que cet homme, Ismaïl ibn Ayyash, quand il rapporte des informations, des narrations venant des gens de son pays, alors ces narrations sont fiables. Mais quand il rapporte des narrations venant d'individus qui viennent d'autres pays, alors là, il se mélange. Alors là, il se mélange et il se trompe. Comment est-ce que les savants ils ont vu ça? C'est en comparant les narrations, toutes ces narrations avec les narrations des autres étudiants, des autres narrateurs. Et on voit qu'à chaque fois qu'il rapporte de personnes qui viennent d'autres pays que le sien, eh bien, il se trompe. Ou alors très souvent. Et donc, à ce moment-là, les savants ils vont dire « Attention !» Pourquoi ça arrive? Parce que parfois, il y a des narrateurs que lorsqu'ils sont dans leur pays, hein, il y a la maison à côté, etc. Il peut prendre ses notes, etc., etc. Mais lorsqu'il part en voyage, ben c'est pas comme aujourd'hui où en voyage tu peux ramener toute ta valise avec toi, etc. Ben, quand on part en voyage, parfois c'était pas évident, etc. Il pouvait perdre ses notes. Et donc à ce moment-là, il commençait à se mélanger. Donc voilà par rapport à ça, les frères, ça c'est important. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.